Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Sommet de la colline de Chaillot, il domine la scène. Sur son fronton, en lettres d'or, une phrase de Paul Valéry. Chose rare ou chose belle, ici savamment assemblée, instruisent l'œil à regarder, comme jamais encore vu, toutes choses qui sont au monde. Depuis 1937, le Musée de l'Homme a formé des générations d'archéologues, d'anthropologues. J'y ai moi-même plus d'un souvenir. La restauration de l'Oumiac, grande embarcation de la section des Arctiques, cadenas du département Pacifique, qui ne s'ouvrait qu'au seul mot polynésien rentré dans la langue française, tabou. J'y ai enfin croisé Jean Rouch, Yves Coppens, André Langanet et même de passage Claude Lévi-Strauss. Après un grand sommeil, le phénix renaît sous un jour nouveau. Je me suis donc rendu dans les salles, en plein chantier du Grand Musée. Marie Merlin, l'homme a de nouveau son musée. Reste à savoir, qu'est-ce que l'homme ? Eh bien effectivement, qu'est-ce que l'homme ? C'est la première question en fait que l'on pose à nos visiteurs dans un parcours qui débute par cette question, qui sommes-nous ? Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse toute faite, toute prête à donner à nos visiteurs. En revanche, ce qu'on va leur proposer dans la première partie de l'exposition, c'est d'explorer différents critères possibles de définition de l'espèce humaine. Parce que l'homme, il est un et multiple. Donc on a essayé de construire cette première partie de l'exposition à son image. Et on a choisi de façon un peu contrainte aussi par l'espace, parce que l'homme c'est un sujet qui est inépuisable, mais l'espace lui est forcément clos. Donc on a choisi de questionner ce que pourrait être la nature humaine en s'interrogeant sur le corps. Qui sommes-nous ? Nous sommes un être de chair, nous sommes un être de pensée, c'est la deuxième partie de cette première partie de l'exposition, nous sommes un être de lien. Parce que le vivre ensemble, c'est l'une des façons, l'une des singularités de l'espèce humaine. Est-ce que nous sommes un être de parole ? Donc voilà, ça, ce sont les quatre premières questions en fait, que l'on pose à nos visiteurs dans la première partie de l'exposition. Et cette partie se conclut sur une affirmation. Nous sommes des êtres pluriels. Et cette question, en fait, a été traduite par la scénographe, par la création d'une grande portée, dans laquelle on va présenter environ 80 bustes ethnographiques qui montrent ce qu'a été la recherche justement de l'unité ou de la diversité humaine à un moment de l'histoire des sciences au XIXe siècle, quand des savants sont allés à la rencontre des hommes du monde entier. Alors, ces bustes, c'est quoi exactement ? C'est des personnages vivants, des grands savants, ou tout au contraire des objets et des individus étudiés ? Alors c'est un petit peu les deux en fait. Les bustes qui sont présentés, donc les 78 bustes ethnographiques, ont été moulés sur le vivant. Donc ce sont en fait des copies conformes des individus que des savants européens au XIXe siècle ont rencontrés. Il a fallu avoir leur accord, obtenir leur consentement pour pouvoir les mouler. Donc ce sont à la fois des vrais individus et ça va vraiment se ressentir parce qu'ils sont sur cette grande portée qui va du premier niveau de l'exposition jusqu'au deuxième niveau. Ils ont tous les yeux fermés, mais en fait, ils sont extrêmement vivants. Et ce sont aussi des objets d'étude, des outils pour les savants au XIXe siècle, à l'époque où la photographie en était à ses balbutiements et où les anthropologues, les naturalistes, les phrénologistes avaient besoin d'outils pour étudier la diversité humaine. Et notamment l'anthropologie raciste. Et notamment, alors là, c'est tout en nuances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les méchants d'un côté, les bons de l'autre, il y a toujours eu des nuances en fait. Et nous, c'est vrai que la façon de représenter cette collection, nous avons choisi, avec Alain Froment, le responsable des collections, un échantillon représentatif aussi de ces différents individus, représentatif des expéditions scientifiques pendant lesquelles ils ont été moulés, mais représentatif aussi d'autres trajectoires, parce qu'il y a aussi des individus qui ont été présents en France, qui sont venus pour des raisons tout à fait diverses. Et donc voilà, c'est un petit peu cet échantillon, ce panel, si on peut dire, qui est représenté dans la structure des bustes. Ce que nous allons découvrir, c'est bien sûr l'homme, mais l'homme à la lumière des questionnements scientifiques et éthiques. qui se pose à notre espèce en ce début de 21e siècle, c'est bien ça ? On est dans un musée où on se questionne, donc le musée de l'homme, homme avec un grand H, hein, je le précise, c'est-à-dire que c'est le musée des hommes et des femmes. Et c'est un musée qui présente une diversité humaine à la fois dans l'espace et aussi dans le temps. Et l'un des questionnements qui se pose aujourd'hui à l'espèce humaine et qui est abordé dans la dernière partie du parcours, où allons-nous, c'est la question de la responsabilité de l'espèce humaine par rapport aux écosystèmes, à la biodiversité. L'homme pourra-t-il s'adapter à des écosystèmes qu'il a contribué en fait à créer, et avec des ressources sur une planète qui ne sont pas inépuisables. Donc voilà, cette responsabilité éthique, on la questionne aussi dans le cadre du parcours permanent dans sa troisième partie. Alors nous sommes devant une vitrine, qui n'en est pas une, puisque c'est une fenêtre et qui donne sur tout Paris. Vous êtes dans un lieu les plus magiques qui existent à Paris. On est dans un lieu extraordinaire. Et je pense que l'affection que le public peut avoir pour le Musée de l'Homme, il tient vraiment à l'esprit du lieu, son positionnement dans Paris, son positionnement sur la colline de Chaillot, mais aussi par les souvenirs que peuvent en avoir beaucoup de Parisiens, de provinciaux aussi. C'est vraiment un lieu magique. 1937, dans le palais de Chaillot, le Musée de l'Homme succède à un autre ancien musée d'ethnographie ? Oui, là nous en sommes, c'est une troisième vie en fait qui est offerte au Musée de l'Homme. Et en même temps, si tout change, comme le disent les architectes, dans les espaces, rien ne change en fait, dans le projet aussi scientifique. C'est-à-dire que nous restons proches du souhait de Paul Rivet, le fondateur du Musée de l'Homme en 1937, qui souhaitait unir et unifier dans un même lieu les différents champs scientifiques qui questionnaient l'homme, qui touchaient à l'homme. Et donc, aujourd'hui, on ouvre un musée en 2015, qui s'adresse aussi à une humanité, à des visiteurs en 2015, mais toujours avec ce poids, j'ai envie de dire, de l'histoire, mais en fait, qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il faut réinventer et en même temps, l'être humain s'inscrit aussi toujours dans une histoire. Et nous, du point de vue muséal, muséographique, on s'inscrit aussi dans cette histoire. 1937, associer la préhistoire, l'anthropologie physique, ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropologie biologique, et l'ethnographie, c'était absolument révolutionnaire ? Oui, c'était révolutionnaire. C'est la devise en fait de Paul Rivet que l'on continue à suivre aujourd'hui en 2015. Paul Rivet disait « L'humanité est un tout indivisible, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps ». Et cette maxime, si je peux dire, continue, enfin, elle vous a guidé aussi dans l'élaboration de ce nouveau musée. C'est les idéaux du Front Populaire ? Par rapport aux idéaux du Front Populaire, ce que Paul Rivet souhaitait, c'était un musée accessible en fait à tous. Et que les ouvriers, les travailleurs, le peuple, tout le monde puisse venir au Musée de l'Homme, découvrir quelque chose de son identité, de son histoire, d'une diversité des cultures, et en même temps d'une unité de l'humanité. Et nous aujourd'hui, on continue de toujours à être guidés par cela. Et on essaie aussi de rendre le musée accessible, par exemple, à l'ensemble des publics. Donc dans la façon dont nous avons travaillé pour traduire des concepts qui peuvent parfois être très compliqués, des concepts scientifiques très pointus, les traduire de façon claire, lisible, simple à des visiteurs, et aussi s'adresser à des publics, à un public malvoyant par exemple. Voilà, donc on a des dispositifs spécifiques aussi pour l'ensemble des publics. Ces concepts, vous pensiez par exemple auxquels ? Par exemple, il y a des concepts qui sont compliqués à mettre en musée, des concepts autour de la génétique, par exemple, la génétique des populations. Or, il y a vraiment il y a toute une recherche dans le cadre du département Homme-Nature-Société du Muséum. Donc nous, on a travaillé avec les chercheurs en génétique des populations. Mais voilà, notre boîte à outils, nous, de concepteurs d'exposition, c'est complexe parce qu'il n'y a pas forcément d'objet. Donc il a fallu trouver, faire appel à différents outils, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de dispositifs multimédia, qu'il s'agisse de jeux aussi. On a un certain nombre de dispositifs ludo-éducatifs qui permettent à tous les publics de trouver aussi leur place dans ce nouveau Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme, c'était une fermeture à peu près il y a six ans de travaux. Aujourd'hui, il devait se réinventer, mais à l'occasion, n'aurait-il pas perdu son histoire ? Je ne crois pas, parce que le Musée de l'Homme, ça n'est pas exclusivement le parcours permanent. C'est-à-dire que là, effectivement, nous sommes dans la Galerie de l'Homme, dans la première partie de l'exposition, mais le musée, c'est un tout. C'est-à-dire que nous avons 27 000 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons, de surface dans l'aile Passy du Trocadéro. Et il y a à la fois la Galerie de l'Homme, mais il y a également un centre de ressources. Il y a également il y aura une programmation d'exposition temporaire et il y aura des stations historiques. C'est-à-dire que lorsque le visiteur entrera dans l'atrium, il y aura des stations avec un rappel des différents moments historiques qui ont pu jalonner l'histoire du lieu. Notamment un rappel concernant le réseau de résistance du Musée de l'Homme, les figures de Germaine Tillon, par exemple, qui a récemment été panthéonisée. Voilà, donc cette histoire qui est dans nos murs, le visiteur va la retrouver effectivement aussi sur nos murs. Par exemple, je pense à l'auditorium Jean Rouch, avec le cinéma ethnologique. Le nom même de l'auditorium reste celui de Jean Rouch, et à l'entrée, il y a une petite station qui explique qui était Jean Rouch et ce qu'il a pu offrir et apporter au cinéma ethnologique. Ce chant que vous entendez, c'est le chant d'un bûcheron de la forêt qui est en train d'abattre un arbre et qui lui dit « Arbre, excuse-moi, excuse-moi, je te fais du mal. Ne me fais pas du mal comme je te fais du mal. » Patrick Payet, quand on est préhistorien au Musée de l'Homme, on se sent descendant de Néandertal ou de Germaine Tillon ? Alors voilà une question un petit peu vache. Non, évidemment, on se sent descendant de Germaine Tillon. D'abord parce que la préhistoire, pour moi, elle a été celle de la paléthnographie, la paléthnologie d'André Laura Gourand, avec cet arrière-fond ethnologique, anthropologique, etc., donc profondément humain. Et Germaine Tillon incarnait évidemment cette profonde humanité. Néandertal, d'abord, c'est pas un homme moderne, hein, et puis Néandertal fait partie de nos trésors, de nos collections, ni plus ni moins, même si on peut admirer ce que Néandertal a pu réaliser d'extraordinaire, tant au niveau des productions techniques qu'au niveau d'une parfaite adaptation à son milieu. Mais Néandertal reste un fossile, et je suis plus attaché aux hommes modernes et à nos contemporains d'une certaine manière. Donc on peut penser que le poids du passé dans ce nouveau musée de l'âme est important encore ? Il est important, il est un peu maquillé par l'habillage muséographique, l'habillage scénographique actuel et très, très moderne, presque futuriste dans un certain sens. Mais évidemment, l'âme du Musée de l'Homme, l'esprit Musée de l'Homme reste omniprésent et le public pourra parfaitement le découvrir. Il retrouvera des objets emblématiques de l'ancien musée, il les retrouvera ici, alors dans des vitrines évidemment beaucoup plus modernes, peut-être voisinant avec d'autres objets un petit peu plus curieux ou moins connus du grand public, mais le Musée de l'Homme est présent, bien entendu. Le vieux Musée de l'Homme est toujours présent, est toujours là. Valérie Koslowski, est-ce que je vais retrouver donc ce musée que j'ai connu quand j'étais enfant, dans lequel j'ai circulé et puis bien sûr dans lequel j'ai lu beaucoup de choses? On va retrouver tout ça ? On va retrouver tout ça, on s'attache à garder cet esprit. Évidemment, la muséographie, elle est complètement moderne, elle est complètement revue. Néanmoins, les collections, c'est les collections emblématiques du muséum qu'on va présenter. Donc on va retrouver tout ce qui a fait cette saveur et ces souvenirs pour beaucoup d'entre nous de ces visites d'enfants le dimanche. Moi, on m'a beaucoup raconté ça. Le Musée de l'Homme et ses collections restent là. On va présenter, par exemple, cette fabuleuse collection de préhistoire qui a été peu montrée avant, puisque les salles de préhistoire étaient peu développées hein, par nature, puisque c'était un musée avant tout d'ethnographie à la base. Et toutes ces collections qui étaient dans nos réserves sont enfin présentées et elles vont rajouter en fait à l'éclat que connaissent par ailleurs ces autres collections qui vont être montrées. Il y a des nouvelles collectes d'ethnographie qui sont faites tous les ans depuis la fermeture pour être présenté au public. Et ça, en fait, finalement, on est vraiment dans l'esprit de Rivière et on est dans l'esprit aussi de Rivet, etc. On envoie les chercheurs collecter des objets liés à leur mission. Et je pense qu'on est complètement dans cet esprit qui avait voulu de musée laboratoire. Et on va présenter ces collections et c'est ça le plus important, en fait. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Patrick Payet, donc un musée renouvelé, réinventé. C'est ça, un musée renouvelé, réinventé, un musée qui intègre aussi les données archéologiques, les données anthropologiques modernes, actuelles, qui est un musée à la pointe de l'actualité en matière scientifique. Ça qui est important. Alors il est aujourd'hui, il va bien sûr certainement évoluer dans le temps, mais à partir du 15 ou du 17 octobre prochain, ouverture au public, le musée incarnera l'actualité la plus brûlante, la plus actuelle de la science. Alors c'est quoi l'actualité brûlante de la préhistoire ? Eh bien, ce sont des découvertes anthropologiques ou paléo-anthropologiques majeures. C'est apparemment une nouvelle humanité du côté de l'Afrique du Sud. Je vous vois hésiter, bien entendu, vous avez justement raison. Ce sont de nouveaux concepts, également une nouvelle façon de penser les productions techniques, les productions symboliques des hommes de la préhistoire. La modernité du musée de l'homme, c'est un peu tout ça. C'est intégrer justement ces nouveaux outils méthodologiques, scientifiques, etc. Et c'est intégré aussi de la pédagogie dans le discours, ce qui n'était pas évident dans le parcours passé. Et puis c'est le croisement de la préhistoire et de la révolution, on va dire paléogénétique, qui est en train de totalement bouleverser notre histoire. Oui. D'ailleurs, nous avons fait le choix de présenter sur le dernier plateau, vous voyez ces grands plateaux et sur lesquels se développe en fait ce buissonnement de la lignée humaine. Le dernier plateau est consacré à Néandertal, Sapiens, l'homme de Flores et cette grande nouveauté qui est Denisova, où pour la première fois en fait, on va intégrer la reconnaissance d'une espèce non pas par la paléanthropologie classique, mais par l'ADN ancien. Et on a une vraie volonté d'intégrer ces recherches d'ADN qui révolutionnent actuellement certaines données en préhistoire dans le parcours. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de mêler ces disciplines. Patrick Payet, ça c'est quelque chose de très nouveau. On avait bien sûr l'homme moderne, le sapiens sapiens, on avait l'homme de Néandertal, on a récemment trouvé très loin l'homme de Flores, et puis d'un seul coup, on découvre un individu uniquement par la paléogénétique, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas encore sur le plan de l'anthropologie biologique, mais on ne connaît pas non plus aussi ses propres productions matérielles. Effectivement, on connaît très très peu de cet homme, de Denisova. Bon, on a une dent, on a quelques éléments osseux, mais très épars et très fragmentaires. En revanche, pour l'instant, effectivement, nous n'avons aucune donnée relative au contexte culturel élaboré ou structuré autour de cet homme. Donc voilà. Alors, il faudrait poser des questions aux anthropologues, pour le coup, qui pourraient éventuellement vous parler plus précisément de cet individu, de ce type humain. Moi, je n'en sais pas davantage. Il faudrait peut-être voir cela avec mon collègue Antoine Lourdeau. Antoine Lourdeau. Oui, je pense qu'on les a, en fait, ces productions culturelles Denisova. Seulement, on ne les a pas retrouvées associées avec ces restes osseux, puisque en préhistoire, il est de coutume qu'on ait beaucoup, beaucoup plus de restes de productions culturelles, principalement en pierre, que de restes osseux. Donc probablement que ce qu'ont produit les Denisoviens a déjà été découvert, seulement on n'a pas réussi à les associer à cette nouvelle forme d'humanité. Alors puis, il faut bien voir aussi que cette nouvelle forme d'humanité, les Denisoviens, pourrait tout à fait partager aussi une culture matérielle, des objets communs à d'autres individus comme l'homme de Néandertal ou Homo sapiens. Ça peut être aussi le cas. C'est la grande probabilité. Et en fait, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que dans ce musée, c'est que la science, c'est aussi quelque chose qui se construit au jour le jour. Il y a des certitudes qui tombent, d'autres qui s'avèrent effectivement bonnes. Et pour Denisova, effectivement, comme a dit Antoine, on n'a pas encore associé les bons matériels avec les bons hominidés. Mais en tout cas, nous ici, on va montrer à chaque fois qu'il y a des hypothèses qui sont formulées et que la science, c'est aussi des hypothèses. On a toujours tendance à présenter les musées quand on dit on va instruire, on va montrer comme des choses acquises. Nous, ici, on va montrer par l'histoire des idées, par aussi la façon de présenter, que tout ça, ça repose sur des hypothèses et que cette façon de travailler, c'est la propre de la recherche, peut-être. Et donc, je crois que bien malin, celui qui va visiter et qui pourra trouver des certitudes complètes dans notre parcours. Et si on arrive à ça, je pense qu'on a réussi le parcours en lui-même. Dire que tout, absolument tout, peut être revu à la lumière de nouvelles expertises. Patrick Payet, les plus vieux outils, 1,8 million, 2 millions, 2,5 millions, vous en aurez, vous en présenterez ? Oui, seront présentés ici des outils, les premiers ou quasiment les premiers outils de l'humanité. Ce ne sont pas forcément les plus précisément les plus interprétables, les plus lisibles pour le grand public. En revanche, les périodes un tout petit peu plus récentes, que ces phases à plus de 2 millions d'années, sont très très bien représentées. Est-ce que vous suivez un parcours chronologique, comme on pourrait le penser ? On commence du plus vieux, on s'arrête à hier. Oui, le parcours est globalement, je dirais, chronologique, mais on y croise des thématiques également. Alors, on a fait un choix, justement, dont vous parliez. On a fait le choix de ne pas forcément associer la culture matérielle avec certaines espèces, puisque nous, on a préféré les présenter par grands groupes, les espèces qui étaient en Afrique, les sorties d'Afrique et puis les dernières humanités. Mais on peut dire quand même que globalement, les grandes dates sont respectées dans ce parcours. Quelques très beaux objets aussi figurent au musée. Vous allez créer un espace très particulier. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par espace particulier. Il y a plusieurs espaces particuliers dans ce magnifique futur musée ou musée en cours d'élaboration. Et moi, je suis plus à même de vous parler d'un espace qui est dédié aux objets d'art préhistorique qui sont des productions symboliques des hommes modernes. Donc cette fois-ci, on n'est plus du tout dans les premiers outils de l'histoire de l'humanité. On est dans vraiment le développement de l'esthétique et de la symbolique dans les objets du quotidien, que ce soit des armes, des outils ou des objets sans fonction apparente ou sans fonction connue. Donc cette vitrine qui un temps s'appelait la vitrine des trésors, s'appellera désormais l'art des objets de la préhistoire. Et donc c'est une vitrine qui est riche, oui, une trentaine d'objets, c'est pas énorme, mais ce sont des objets remarquables, qui incarnent à la fois la diversité des types de supports investis par l'image, la diversité des techniques d'expression préhistorique, que ce soit la gravure, que ce soit le bas-relief, la sculpture en ronde bosse, etc. Et puis il y a quelques objets absolument incontournables, remarquables, la Vénus de Lespugue, l'ivoire de la Madeleine qui est une squame d'ivoire de mammouth gravée d'un mammouth qui a été découverte en 1864 à la Madeleine et qui est un objet absolument emblématique du développement de la préhistoire et la reconnaissance de l'antiquité de l'homme et de sa contemporanéité avec des animaux disparus. Bref, il y a quelques objets comme ça qui ont marqué la science préhistorique depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle qui seront offerts au public à partir du 17 octobre prochain. Alors il faut parler quand même de la Vénus de Lespugue, c'est la Vénus, probablement une des plus belles Vénus découvertes au monde, environ quoi, 23 000 ans à peu près avant notre ère. J'ai souvenir de l'avoir vue dans sa petite vitrine avec le petit bouton sur lequel on appuyait, ce sera quelque chose comme ça encore ? Alors la Vénus sera disposée dans une vitrine pour elle seule, dans une vitrine colonne, et surtout elle sera disposée de manière à être vue sous toutes ses faces. C'est une ronde bosse et une sculpture en ronde bosse doit d'être découverte sous toutes ses coutures. Et donc le public tournera autour d'elle. Là effectivement 23, 24 000 ans, elle est gravée sienne hein, d'une période donc bien connue du paléolithique supérieur. Elle a été découverte en Haute-Garonne, dans la grotte des Rideaux, par René de Saint-Périer, qui était un grand préhistorien bien connu, au moins des spécialistes de la préhistoire. Et c'est une Vénus en ivoire de mammouth, donc taillée vraisemblablement dans l'ivoire frais de mammouth. Elle fait environ 14-15 cm de hauteur. C'est donc une représentation vraiment de grande taille, probablement pas la plus grande, comme on a pu l'écrire parfois, mais l'une des plus étonnantes, si vous voulez, du point de vue de la conception formelle. C'est une véritable œuvre cubiste avant l'heure. Et bien plus belle que la Dame de Brassempouille qui est dans un autre musée. Voilà, je l'ai dit. Vous aurez d'autres objets de cet ordre-là, de ces époques, on va dire, du paléolithique supérieur, entre 40 000 et 10 000, 12 000 avant notre ère, qui sont des œuvres remarquables ? Oui, il y a beaucoup d'objets absolument remarquables, notamment de la fin du paléolithique supérieur, de la période qui est aussi la période la plus faste du point de vue de la création artistique, qui est le Magdalénien. Donc à partir de 17-18 000 ans avant le présent, jusqu'à 12 000 ans à peu près. Et là, nous avons des séries ici au Musée de l'Homme qui sont remarquables, notamment de Logerie Basse, donc de la collection du Marquis de Vibray, qui sont exceptionnelles, des plaquettes gravées, des objets sculptés en bois de Rennes, etc. Mais ce qui fera vraiment la saveur de ce petit secteur du musée, c'est justement la diversité de ces productions symboliques. On pourrait vraiment y voir différents matériaux, des matières premières d'origine animale, de l'os, du bois de Rennes, de l'ivoire, mais aussi des matières lithiques, etc. Nous avons évidemment choisi de présenter des œuvres qui sont souvent figuratives, parce que c'est évidemment l'image de l'animal parle davantage que le motif géométrique un peu discret ou que le gribouillis un petit peu désorganisé. Donc ce sont vraiment des œuvres majeures qui seront présentées, ce sont nos collections. Donc évidemment que toutes les plus belles œuvres de l'histoire de l'humanité ne seront pas ici, puisque nous travaillons sur la base de nos propres collections. Est-ce que, au travers de vos collections, vous répondrez à « Qu'est-ce que l'homme ?» va essayer d'y répondre. C'est une question très difficile. On a eu beaucoup, beaucoup de discussions entre nous là-dessus. C'est loin d'être simple. Et en tout cas, on a espéré montrer à travers la diversité des collections, la diversité des approches, la multiplicité des régions du monde qui seront représentées ici, parce que voilà, c'est aussi une de nos grandes spécificités de ne pas d'être un musée qui s'ouvre à toutes les cultures du monde. On va essayer de répondre à qu'est-ce que l'homme passé et qu'est-ce que sera l'homme aussi du futur. Est-ce que l'homme, vous écoutez Patrick Payet, c'est pas justement l'art dont vous me parliez? C'est l'une des caractéristiques de l'humanité, mais de l'humanité moderne. L'homme, avant d'avoir été sapiens, moderne, il était d'abord capable de se relever, il a été capable de maîtriser la reproduction, la production et la reproduction du feu. Il a été capable à un moment aussi de penser à l'au-delà et d'enterrer ses morts, etc. C'est assez classique de dire ça, mais c'est vrai que l'humanité se définit par de multiples critères. Mais je crois que le musée de l'homme, c'est le musée des hommes. C'est le musée des humanités, quelque part, un musée des sociétés très, très diversifiées. Et je crois que c'est ça qui est important, plus que d'essayer de caractériser l'homme par un type de production. Mais c'est vrai que là, vous touchez une corde sensible. L'art reste quand même l'une des acquisitions fondamentales de l'évolution humaine. Valérie Koslowski, votre préhistoire, elle s'arrête quand? On a parlé, bien sûr, donc, de l'origine de l'homme il y a 7 millions d'années. On a parlé du paléolithique, de l'homme de Néandertal, de Denisova, du paléolithique supérieur. Mais ça finit quand pour vous? Alors, en tout cas, dans le musée, ça finit pas là, puisque l'histoire continue au néolithique. Au néolithique et à la proto-histoire. C'est aussi une des nouveautés de ce nouveau musée, de ne pas oublier cette période clé dans l'histoire de l'humanité, ce moment un peu mystérieux, vers moins 12 000, moins 10 000, en fonction des régions. L'homme choisit de se sédentariser et d'entretenir un nouveau rapport à la nature et à l'environnement, par la domestication de certaines espèces animales, mais également par la création de poteries, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir au deuxième étage. Et nous, on a choisi ici de l'aborder sous le nom de cette peut-être première mondialisation. En tout cas, on pose la question, est-ce que c'est pas ça finalement aussi qui fait notre humanité actuelle? Ce grand phénomène qui prend naissance vers moins 10 000 ans. Et nous, en fait, ici, on va montrer dans une petite installation muséale le monde au quatrième millénaire. Où est-ce que chaque partie du monde en est dans ce quatrième millénaire? Voilà. Quand je suis arrivé, vous étiez en train de mettre des objets dans des vitrines, des outils. Là, j'ai un fort bruit de perceuse dans mon casque. Ça implique que l'on est déjà dans la dernière des dernières lignes droites. On est ces charrettes? C'est toujours charrette, j'ai envie de dire. Mais on est suffisamment là, avancé pour garantir que l'ouverture se fera bel et bien le 15. Évidemment, comme toujours, c'est les derniers 15 jours qui sont ceux du grand mouvement et où en fait on va voir apparaître comme par magie les objets dans les vitrines. Là, vous entendez effectivement les perceuses, c'est les socles qu'on est en train de mettre à l'intérieur des vitrines. Et après, ça arrive le moment magique où les objets peuplent les vitrines. Et ça, en fait, ça se fait de façon quasi incroyable. L'heure d'avant, il n'y a rien. L'heure d'après, les vitrines sont faites. Et c'est toujours ce qui est surprenant pour le néophyte qui visite ce type de chantier en se disant « Oh là là, ils n'y arriveront jamais ». Alors nous aussi, on a quelques moments où on panique, mais on garde le sang-froid et on sait qu'on y arrivera. Les futurs visiteurs, en sortant, vous pensez qu'ils auront sûrement répondu à deux questions, d'où venons-nous et où allons-nous? On l'espère. Pour d'où venons-nous, on pense. Bon, où allons-nous, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, effectivement, l'histoire en train de se faire, elle laisse toujours des surprises. D'ailleurs, c'était un de nos propos. À un moment, on avait imaginé finir le musée en montrant les visions d'un futur qu'avaient eu les générations avant nous. Alors, c'est très drôle. On s'est aperçu que, tel qu'on est là, on aurait dû manger des gélules ou être déjà, s'être transformé, etc. Donc, on espère. En tout cas, que le visiteur, en sortant d'ici, il ait en tête plein de questions et qu'il regarde le monde, son monde actuel, avec des nouveaux regards et en tout cas en se repositionnant différemment. La semaine prochaine, nous évoquerons la découverte d'une cité antique sur les bords de la Méditerranée, Martigues, où un exceptionnel trésor vient d'être découvert. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Chatelus. Attaché d'émission, Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.